Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Danny! Mais c'est pas chaud à Dolbeau-Mistassini. Qu'est-ce qu'il fait à Chibougamau? Ça va pas être chaud non plus, hein? Non, mais là, on devrait revenir en norme été parce que ça fait deux jours là, que... Comme partout ailleurs, les pluies diluviennes, puis la température qui a droppé à 10-12. Mais là, on nous annonce 20-22, et le soleil s'en vient, là. Fait que, pour nous, c'est super important parce qu'on est dans notre plus grosse semaine de l'été, avec le Super Calcutta, Huard et compagnie. Okay. On a 90 joueurs répartis dans 18 équipes. Fait que là, on a dû fermer dimanche après-midi. Hier, on a fermé complètement toute la journée. Fait que donc, les équipes, là, à partir de 4 heures ce soir, c'est plein pour aller jusqu'à la fin de la soirée. Demain, ce sera pareil. Puis samedi, ce sera la dernière ronde pour clôturer les équipes gagnantes. OK. Dis-moi, y a-tu eu un trou d'un coup dernièrement aussi à Chibougamau? Aucun cette année à date. OK. Beaucoup de joueurs qui disent qu'ils ont passé prêt. Mais en passer prêt et la mettre dans le trou, toute la différence est là, hein? Ouais, c'est sûr. On dirait que c'est cyclique. Quand je regarde mes statistiques, hein, une année, je n'ai pas près en moyenne 2-3. Puis l'autre année d'après, je n'ai pas du tout. Okay. Ça fait ça depuis, je te dirais, là, 4 à 6 ans. OK. À tous les 2 ans, on n'a pas du tout. Puis l'année d'ensuite, on a 2-3. Ah, c'est bon. C'est comme on a eu une coupe l'année passée, ben, je t'ai pas demandé si effectivement on n'aura pas cette année, mais il nous reste encore 2 bons mois de golf. Là. Ouais. Michel, Pierre-Alexandre, il se passe quoi avec? Ben, Pierre-Alexandre, t'as vu qu'il a gagné son premier tournoi. OK. Fin de semaine dernière, donc. Il a terminé à moins 4. Il a gagné le championnat du nouveau circuit Québec-Ontario. Ah, là. C'est bon. Fait que non, il est bien encouragé. Puis, d'après ce que j'ai entendu parler, son golf avait été très bon. Puis, il est en route pour une série, là, une dizaine de tournois là, d'ici à la fin de septembre. OK, c'est bon, c'est excellent. Michel aussi, des promotions, y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Y a-t-il quelque chose d'intéressant? Non, chez nous, c'est tranquille. Okay. On demeure en statu quo. Le calendrier est toujours excellent. Ça le ralentit un petit peu avec les vacances, mais cette semaine, il faut dire qu'on a moins de disponibilité à cause de notre grosse semaine. Ouais. Et normalement, à partir de dimanche prochain, on s'attend là, que pour aller jusqu'à la fin de la saison, qu'on ait un bon calendrier. OK. Ben Michel, ça fait le tour pour cette semaine. On s'en reparle la semaine prochaine? Oui. On s'en reparle la semaine prochaine, mon ami. Et comme a dit, du club de golf de Chibougamau.